ballerina. Padishah, if we take, if we take, if we take, see the dancing ballerina, see her job and hear, so blessed. En avant, entre chat, allegro, allegro, allegro. Pirouette, enlevé, pas de chat, effouetté, effouetté, effouetté, effouetté.